Bonjour. Vous avez un panneau Black Prof. Oui. Qu'est-ce qu'une Black Prof? C'est une prof qu'on a marre des conditions de travail et qu'on prenne les élèves en otage et qu'ils n'en ont rien à faire, quoi, en fait. C'est-à-dire prendre en otage à quel niveau? Regardez ce qui se passe pour le bac, là, tout de suite. Hein, c'est plus l'éducation égalitaire pour tout le monde et au niveau national, c'est devenu au niveau de chaque lycée. Et il n'y a pas d'égalité. Égalité des chances, finie actuellement. Voilà. Votre prénom, c'est quoi? Nathalie. Merci, bonne manif. Merci.